Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et ouais, c'est le dernier mardi du mois d'octobre. En général, à cette époque-là de la saison, on n'a pas trop le moral, parce que entre la taxe foncière qui nous tombe dessus, les jours qui raccourcissent, l'hiver qui arrive, enfin en ce moment, moi je suis encore en petit t-shirt, je pense que la même chose pour vous, on n'a pas l'impression de ça. Mais par contre, c'est peut-être des mauvaises nouvelles, mais bon, ce soir, donc 2 heures de métal comme d'habitude, avec 3 nouveautés, ouais je sais, j'en ai eu plus, mais c'est pas le plus important, puisque ce soir, comme à chaque... j'arrive même plus à parler, c'est un inconvénient du direct, comme à chaque fois, j'ai comme invité l'organisateur du Salon du Disque, qui a toujours lieu ce dernier ou l'avant-dernier week-end, avant-dernier dimanche du mois d'octobre, l'occasion de trouver plein de bonnes choses, et aussi de mécontenter son banquier, bien évidemment. Alors, c'est organisé par l'ami Roger de Disque Planète Claire, que vous connaissez bien. Il viendra tout à l'heure, petit empêchement, mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas tout seul, puisque j'ai son associé Bruno, qui est là, qui va me tenir compagnie en attendant, qui va pouvoir aussi donc répondre à mes interrogations par rapport à cette nouvelle édition. Salut Bruno, comment vas-tu ? Eh ben très bien, bonjour à tous et puis bonne écoute. Et j'en doute pas, ça va piquer les oreilles un peu. C'est le but, c'est le but. S'il y a un peu de cérumène après 2 heures d'électrique choc, je me dis que c'est pas possible, c'est que les gens n'ont pas écouté comme il faut. Bah, il reste encore quelques feuilles à faire tomber des arbres, alors il faut voilà. Y aller. Ouais. Tout à fait. Donc oui, là, tu es là pour nous parler du salon qui cette année, c'est une grande première, va changer donc de localité. Oui, on reste dans la banlieue orléanaise, on passe de Fleury-les-Aubrais, le Chapiteau, à l'Unisson, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mais toujours des lieux musicaux, bien entendu. Voilà. Ah, c'est, ça a été compliqué, hein. Je dis ça, mais ça a été compliqué de trouver une salle. Hein. Les gens, j'espère qu'ils vont en profiter, parce que si avec le temps qu'on a passé pour trouver cette nouvelle salle, j'espère qu'ils vont bien tous se faire plaisir, parce que je pense qu'il y aura comme d'habitude des belles choses sur une surface un peu moins importante, mais on aura toujours autant d'exposants, il y aura toujours des bons trucs à trouver, quoi. Ça, je vous fais confiance. T'es prêt pour du rock'n'roll ? Oh bah sinon je viens pas. Hein. On va commencer tout de suite avec un groupe qui incarne vraiment le rock'n'roll américain, toute sa démesure et toute sa splendeur, enfin selon certains, c'est Kiss. Avec son 4e official bootleg là, qui nous est sorti début mois de septembre. Et là, ils ont replongé très loin dans leurs archives, puisqu'on a un concert de 1977, enregistré à Des Moines au mois de novembre, donc à l'époque du Alive 2. Si tu connais cet album, le Alive 2, j'imagine. Ouais. Mais là, au niveau du son, tu vas être surpris, hein. Oh bah maintenant, avec les techniques qui sont... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus cru. C'est bien. Quasiment punk. Ça, c'est comme ça, moi, que j'aime le live. Ouais. Et en 77, j'avais dû jeter une oreille au Sex Pistols, alors... Oui. Et d'ailleurs, on entend tous les Larsen, les fausses notes. Ça, c'est bien. Voilà. C'est le vrai live. Voilà. Donc, tout de suite, Kiss avec Ladies Room, enregistré à Des Moines en 1977. Yeah. like I said before, we had this good feeling about coming back to Iowa. And I tell you, I got the feeling we're going to burn this place down. Can you dig it? All right, if everybody's ready to get hot, let me hear you say, fire! Fire! Fire! Woo! I tell you, temperature's rising. We're just going to have to call out. Vous l'aurez deviné, évidemment, l'ami Paul Stanley vient de nous le dire. Qui s'est enregistré à Des Moines en novembre 77, avant donc que c'était Ladies Womb, tous deux donc extraits du Off the Soundboard Des Moines 1977. Ça t'a bien plu, ça, Gabo Bruno? Ah oui, c'était près de l'os, comme on dit. Pas d'effet, du direct. Avec une bonne voix, quand oui. même. C'est du live, ce que c'est du vrai. Ça veut dire ce que ça veut dire, live, ça veut dire en direct. Ouais, ouais, voilà. Il devait y avoir une bonne ambiance ce soir-là, j'ai l'impression. Je pense que dans le public, ça devait être chaud bouillant. Ouais. Bah, il le dit, hein, la température monte, elle a monté sûrement, à mon avis, très très haut. Tiens, d'y voir justement le salon, vu qu'il change de lieu, Est-ce que les horaires ont changé par hasard? Non, on garde les mêmes horaires, les mêmes habitudes. C'est pas très rock'n'roll de garder des habitudes, mais bon, on 9h30, 17h, comme d'hab, avec ouvert le midi, avec tout ce qu'il faut pour se restaurer entre deux stands, et puis voilà quoi. Non, on change pas. On a déjà changé le lieu 3 fois en 4 ans, c'est bon. Bon, il y a un moment donné, vous n'avez pas le choix non plus, puisque le parc d'expo n'existait plus et... Le chapiteau s'est arrêté et le Comet, on va dire les choses comme elles sont, c'était un petit peu hors budget pour notre association. Donc on a trouvé autre chose. Un remerciement à la ville de Saint-Jean-d'Arvel qui nous accueille hein, quand même, hein, qui nous aide bien. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression que le Comet, c'est hors budget pour beaucoup de gens, d'ailleurs. Ça donne un peu cette impression-là. Nous, on l'a visité. Bon, c'est un bel objet, on va dire. Après, sur Orléans, je sais pas. Puis bon. À suivre aussi, hein, ouais, c'est les débuts. Oui, il faut que ça voilà, fasse. Voilà, tout à fait, ouais. Mais je pense que ça va quand même rester un petit peu hors budget pour des associations comme nous, quoi. Va falloir trouver des partenaires avec les reins solides. Voilà. Donc vous avez entendu, hein, l'association Disque du Rêve recherche des partenaires éventuellement pour... Un bon entendeur. Voilà. voilà. Non. Bah écoute, hein, j'espère que tous les gens vont passer une bonne journée, trouver des bonnes choses, ça j'en doute pas, et puis se faire plaisir. Hein, c'est quand même le principal à notre époque qui est un petit peu compliquée, on va dire. Un petit peu de plaisir avec de la musique. Bonne. Oui, ou de la BD. Ou de la BD, ou aussi, des mangas. Voilà, tout à fait. Ou voilà, quoi. Et puis, ce qui est bien dans ce genre de lieu, c'est que on peut être à la recherche du collector ultime à prix exorbitant, aussi bien que pour 3€, essayer de se trouver juste un disque de complément qu'on n'avait pas spécialement envie d'acheter ou autre, mais on se dit, oh, pour ce prix-là, ce serait dommage de se priver. Exactement. Voilà, il y aura comme d'habitude, il y aura, j'aime pas dire ça, enfin, il y aura des très belles choses, je suppose, et puis des choses plus abordables, oui, pour remplir le caddie. Les oreilles surtout. Et puis voilà, quoi. Bah c'est le but, de cette façon. Oui, tout à fait. Hein. Les gens, ils vont trouver des choses qu'ils peuvent pas avoir, qui sont pas forcément disponibles ni sur Internet ni dans les bonnes crèmeries. Donc voilà quoi. On continue. Bah tiens, on va se faire une nouveauté là. Allez. Bien rock'n'roll aussi, avec le nouvel album de Alter Bridge qui est sorti il y a quoi 15 jours à tout casser, qui s'appelle Pawns and Kings. Alors que vous dire sur le dernier Alter Bridge? Ben rien de neuf sous le soleil, toujours le même son, toujours les mêmes. C'est toujours aussi bien fait. Moi, je dirais que le reproche que je leur referais quand même, c'est que tous leurs albums ont le même son. Il faut dire qu'ils ont toujours le même producteur depuis leur premier album depuis 2004. Et je pense que une oreille extérieure, ça pourrait peut-être apporter un peu de nouveauté, un petit plus quoi quand même. Petite oreille extérieure pour un peu changer, un peu faire évoluer les morceaux. Voilà. On parlait d'habitude tout à l'heure. J'ai l'impression qu'Alter Bridge, c'est un reproche sans en être un. Ça, c'est mon côté pinailleur, hein. Je dois avouer que quand j'ai écouté l'album, j'ai pas été déçu du tout. Mais j'ai eu exactement ce que je voulais, sans surprise. J'ai retrouvé le Alter Bridge que j'aime. Après tout, il n'y a pas de honte à ça. Un groupe comme AC/DC, par exemple, ils n'ont pas bougé d'un iota dans leur carrière. Ils l'auraient fait, je pense qu'ils se seraient fait massacrer, de toute façon. C'est les bases. Après, les gens s'appuient là-dessus pour partir sur autre chose. Mais quand on a quelques groupes comme ça qui sont stables en faisant des choses de qualité, c'est bien aussi. C'est le cas d'ailleurs. Alter Bridge, il sera en concert, je crois, mi-novembre, au l'ancien Palais des Sports à Paris, là, avec Hellstorm et Mammoth WVH, le projet du fiston Van Halen, qui est très très bien d'ailleurs. Ah oui, Mammoth, excellent. Bon, c'est un concert à bout de caisse, quoi. Voilà, oui, à suivre. Bon, Dead Among the Living, qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Ce groupe, les Danois de Volbeat et leur dernier album Servant of the Mind qui est sorti à la fin de l'année dernière, Temple of Ecure, ouais, on l'avait déjà passé, mais bon, Volbeat sera en concert lundi prochain, là, au Zénith à Paris, ça va promettre, et pour avoir vu plusieurs fois, croyez-moi que ça vaut vraiment le coup en concert, hein. Ça c'est un groupe vraiment génial à voir. Ah ouais, l'Europe du Nord, ils envoient des groupes de rock, hard rock et un peu tout, c'est fort, hein, des fois. Ah, puis Volbeat, c'est un mélange, par moment, t'as des morceaux, c'est du rockabilly. Alors, on a entendu la voix, c'est presque Johnny Cash, hein, ouais. Par moment. Et il y a d'autres morceaux, c'est du Metallica. Il y a même un morceau avec ouais. Le chanteur de Napalm Death. Ou alors là, c'est du Sepultura, carrément. C'est vraiment varié. C'est vraiment très, très bien fait. Et vraiment, je vous raconterai ça la semaine prochaine si j'ai l'occasion d'y aller. Mais il y a de grandes chances. Vas-y, oncle Christophe. Vas-y. Merci. Je vais faire seulement Bruno. Avant Volbeat, là, c'était la première nouveauté de la soirée avec le nouvel album d'Alter Bridge, Paul and Kings. C'était donc Dead Among the Living qu'on s'est envoyé. Tiens, on parle souvent du salon du disque et de la BD. BD, il est souvent marqué d'ailleurs un petit peu en plus petit que disque. Ah, cette année, BD est écrit gros quand même. Hein, en surface, puis on a écrit manga aussi. On essaye de lancer, enfin de lancer, non, c'est pas ça, mais on essaye de rassembler un peu des exposants qui proposent des mangas parce que ça. Ah oui, c'est le truc qui cartonne. Ah ouais, ça cartonne, ouais. Ouais, bah c'est normal. Hein, il faut que ça se développe ce genre de choses là. Tout à fait, d'ailleurs, à propos de BD aussi, est-ce qu'il y aura des auteurs qui viendront là pour dédicacer? Ouais, on a, mais du fait que le salon s'est décidé un peu tardivement, on avait présumé avoir quelques auteurs, mais on les aura pas, mais il y aura Will Argunas qui est du coin, et puis il y aura normalement deux autres auteurs, un jeune du coin là qui va présenter ses dessins, et puis on espère avoir aussi quelques écrivains qui écrivent sur la musique, mais ça a été compliqué parce que le retard dans la mise en place du salon fait que ces gens-là il faut qu'ils fassent des salons, il faut qu'ils fassent des dédicaces, et là on n'est pas arrivé dans les premiers quoi. Oui, du coup. Et effectivement, le voili, le voilà, le retardataire, je vous l'avais dit, il allait venir. L'ami Roger vient de nous rendre visite dans le studio et de s'installer. Voilà, hop là. En retard, mais à l'heure. Ouais. Hein, incroyable. Hein. Bonsoir Roger. Bonsoir. Ravi de t'accueillir. Voilà, c'est bon. Oui. Oui, donc là avec Bruno, nous étions en train de parler donc du salon bien sûr et des exposants en bande dessinée. Là, nous étions plutôt partis. Ah oui, oui. Il y en a un petit peu moins, mais bon. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire du fait du retard qu'on a pris dans l'organisation du salon. Il y en a qui se sont engagés ailleurs, quoi. Donc, mais il y aura ce qu'il faut. Pas de souci. Venez. Il y aura des belles images. Bah oui, parce que moi je sais pas lire, hein, ça sert à rien. Il paraît que ça fait mal à la tête et après ça donne des idées pourries après. Voilà, voilà, donc. Voilà. Non, le dessin c'est bien, ça va réveiller les gens, ça va, avec un petit peu de musique dans les oreilles, ça va être impeccable. Bah justement, ce qui va suivre, je pense que ça va vous plaire à tous les deux. Bon, bah, c'est pas un jeune groupe de l'année, hein, on peut dire, mais et c'est Deep Purple là, qui vient de ressortir encore un énième live. Enregistré celui-ci en 95 à Bombay, c'était un des premiers concerts avec Steve Morse. Et ce concert-là, pour l'instant, n'était disponible qu'en DVD, était sorti il y a une vingtaine d'années, mais de façon quasiment confidentielle par le groupe lui-même. Il était ressorti après dans un coffret regroupant plusieurs concerts. Et là, il y a le pendant DVD plus CD audio. Ouais, 77 tout à l'heure, 95 maintenant. Ah oui, on se rapproche, on se rapproche. Non, mais on est bien. Et puis là, on était en 2021 et en 2022 avec Alter Bridge et Volbeat. Ça, c'est l'avantage de la radio, c'est qu'on voyage dans le temps et l'espace sans bouger de son fauteuil. Ce que je le dis souvent à l'antenne, ça. On va se faire un petit extrait de l'album Machine Head, un morceau que Richie Blackmore ne voulait pas jouer à l'époque. Pourtant, quel morceau? C'est Pictures of Home. It's called Pictures of Home. Strong. things to ride. A lantern for tan, we crack stone. That crystal lens is crystal gold. Once bound me to those doctors and wives. When my lens was so, so cloudy, and I saw things too blind. I am a sailor on the raging deep. The corner mates and over the side. Yeah, I know a thing or two. Vous avez deviné de qui il s'agissait ? Oh ben... Après Deep Purple, là ? Oui. Oh, voilà, je suis déçu quand même. De grands mélomanes comme vous. C'est un peu la colle, là. Ah ouais, là, alors, je suis content, je vous ai scotché, là. Très bien. En plus, en plus, Bruno, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ah, c'est bon. Ah, là, je bois du petit lait. Faut pas oublier. Ah, et on a parlé de tellement de trucs. Donc, c'est pas un groupe de musettes. Pas vraiment, hein, comme vous avez pu constater. Non, pas. Eh ben écoute, je suis désolé, ça ne me revient pas, dis donc. Eh ben quand même, aucun d'entre vous n'a reconnu Blue Oyster Cult. Ah, encore, j'allais le dire presque. Oh là là là. Oui, encore, dans mon subconscient, je me dis... Carton jaune, carton je pensais à mon fameux double live, On Flame et tout, tu vois, et puis bon. Ouais. En plus, c'est ouais. Workshop au Telescope, c'est un morceau qui était sur le premier album. Oui. Justement, ça s'extrait du live pour les 45 ans, enregistré à Londres en 2017, qui est sorti donc, il y a de ces 3 ans. Et Blue Oyster Cult, ils seront en concert dimanche et lundi à Paris, au Trianon. Ah, tu es toute petite salle pour eux, c'est marrant. Bah, la première date était complète, donc ils ont rajouté une deuxième. Ah, oui. C'est bien. Moi, je les ai vus en 1978 au Mans devant 3000 personnes. Ah, bah, ils sont passés ici, oui. Maintenant. L'ancien parc expo, ils étaient passés là, c'était en 89, je me souviens. Dans une boîte de conserve, ça résonne comme un. Et il y avait 400 personnes dans la salle. Oh, on n'était pas très nombreux, Alors ça faisait bizarre, hein. Oui, c'est drôle pour un groupe comme ça. Mais donc, Orléans, c'est faible hein, par rapport au Mans. Hein. Ouais. Donc Blue Oyster Cult sera en concert ce week-end, dimanche et lundi. Et avant Blue Oyster Cult, c'était Deep Purple avec la réédition, entre guillemets, du DVD du live de Bombay Calling, et là on a eu Pictures of Home, un des classiques de Machine Head, qui maintenant fait partie de cette liste assez régulièrement. Vous êtes prêt pour du méchant maintenant là, du quittage? Toujours. Ouais. Comme dimanche, hein, on sera du méchant. Voilà. Ça sera méchant dimanche. Alors là, on va faire un petit tour au Québec. On va trouver un des piliers de la scène hardcore avec un groupe qui s'appelle Get the Shot, qui vient de sortir son quatrième album, qui s'appelle Merciless Destruction, déjà avec un titre comme ça. Déjà, le nom du groupe et le titre du morceau, c'est bon. Voilà. C'est aussi, il n'y a pas que du hardcore, il y a un mélange de thrash et de death metal, et ça, pour ceux qui aiment les trucs qui arrachent. Bel assemblage. Ah ouais. Moi j'aime bien, moi ça me plaît beaucoup ça. Donc extrait de cet album qui est sorti donc le 7 octobre, on va se faire le morceau Seeds of Dissension. Let's go! Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, c'est bien Electric Shock en ce moment. Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones, comme vous avez pu vous en rendre compte à l'instant, avec la jolie doublette à l'instant qu'il y a eu. D'ailleurs, mes invités, Bruno, il a tous les poils du dessus complètement dressés, la moustache est complètement à l'équerre. Roger, il est comme moi au niveau cheveux, il n'y a plus grand-chose, donc voilà, mais... Ils ont des grosses caisses à répétition, là, c'est de... Non mais Bruno, il aime bien, il se coiffe à la Billy Idol. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut le remarquer, ouais. Il y aura une caméra, vous pourriez constater effectivement que l'ami Bruno, ouais. Ah, là, non, il... pas ça. Là, on a été faire un petit tour en Irlande avec Stranglewire, leur premier album, Shaped by Human Frailty, c'était The Human Tensile Experiment. Ah, l'Irlandais est cossu quand même, hein. Tout à fait. Ah oui. Mais le Québécois n'a rien à lui envier, qui a eu juste avant, la Get the Shot, avec leur quatrième album Merciless Destruction, c'était Seeds of Dissension, et la deuxième nouveauté de la soirée. Là, comme j'ai eu pitié de vous et de vos petits cœurs fragiles, on va passer à quelque chose de beaucoup plus cool, vraiment beaucoup plus cool. Un groupe que j'adore et qui revient régulièrement dans Electric Shock, bien sûr, quand ce groupe fait l'actualité, et que j'ai eu la chance de voir dimanche soir à Paris. C'est Marillion qui nous est revenu pour nous présenter leur dernier album, An Hour Before It's Dark, joué dans son intégralité. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai qu'en 2 heures de spectacle, ça fait déjà 1 heure de prime. Enfin bon. Ça se fait beaucoup maintenant, les groupes qui jouent leur album au complet. Tel quel. Ça se refait pas mal, ça. Même les anciens groupes, là, c'est assez sympa quand même, hein. Bah ouais, parce qu'il y a certains groupes, par exemple, ils sortent un album, ils en jouent 3 chansons, ouais, allez, hop, c'est expédié, et on joue les classiques que les gens ont envie d'entendre. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre les classiques, mais enfin, bon... Et puis maintenant, je pense que la technique, elle permet de refaire les morceaux en live comme en studio, quoi. C'est suivant la musique. Ah ouais, parce que bon... Bon, quand c'est des trucs un peu moins cossus au niveau production, mais là, Marillion, faut quand même un petit peu de technique derrière, je pense. Tout à fait. Donc vraiment, Marillion, comme d'habitude, nous ont fait un concert somptueux. Enfin, bon, je suis pas très objectif, hein, parce que bon, c'est un groupe que j'adore, donc c'est... j'avoue. Oui, mais... Et pour se replonger un petit peu dans l'ambiance du concert de dimanche, on va se faire non pas un extrait du dernier album, mais on va se faire un classique qui a été joué, un morceau qui est extrait de l'album Afraid of the Night, d'ailleurs ça va être ce morceau-là. Mais je vous ai choisi vraiment une version collector, parce que quand même, pour les auditeurs d'Electric Shock, je méritais autre chose que le tout venant, on va dire. Comme je vous le disais, je suis un grand fan de Marillion, donc c'est pour ça que il y avait beaucoup d'official bootleg qu'on pouvait avoir via leur site de balbutiement d'internet. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai ce concert de Cambridge de septembre 95, où il y a une version sublime de ce morceau qui était Afraid of Sunlight, morceau qui me file toujours la chair de poule. Et ça, c'est le genre de produit tout à fait, parce que c'est épuisé depuis au moins plus de 10 ans, qu'on peut trouver éventuellement. Dimanche, il va y en avoir plein. Et donc, allez, replongeons-nous dans cette atmosphère, et je pense qu'après Stranglewire, ça peut faire que du bien. Leave me running so long. I can't even say what hurts anymore. I will leave you alone. I will deny. Toujours aussi magnifique ce Marillion avec ce Afraid of Sunlight, enregistré à Cambridge le 17 septembre 1995. Et ça, c'est un official bootleg du groupe, un collector. Ça, c'est pour vous, chers auditeurs. Voilà. Et ça fait déjà un peu plus d'une heure que nous sommes en compagnie de Bruno et de Roger, qui nous a rejoint un petit peu plus tard pour nous parler donc du salon du disque et de la BD qui aura lieu donc dimanche à l'Unisson. C'est comme ça le nom. À l'Unisson, oui, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà, salle de spectacle. Je crois que l'arrêt de bus, c'est Anna Marley. Oui, c'est ça, juste la médiathèque, là. C'est la ligne 3, il va directement. Ça, je sais, parce que je passe devant en bus tous les matins pour aller bosser. Voilà. Et elle fonctionne le dimanche. Voilà, c'est très important de le dire, parce qu'il y a peut-être parmi vous qui se disent, ouais, enfin bon, c'est vrai que c'est peut-être pas évident à venir. Donc, sinon, après, de la patinoire, on met quoi, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Hein. Tout à fait, il n'y a pas à se tromper, c'est tout droit. Voilà. Puis il y a de la place de parking aussi, quand même. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et la buvette en arrière. arrivant. Voilà, voilà pour ceux. En plus des disques et des bandes dessinées. Pour ceux qui auraient marché un peu vite et qui auraient soif, un petit coup à la buvette. Allez. Bah oui, ça fait jamais bien de mal, ça. Non, hein. Bah toujours le bienvenu. Bon. Donc les horaires, toujours 9h30, 17h. Ça, oui, c'est ça, ouverture au public 9h30. Après, il faut faire attention, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. On dort une heure en plus. Voilà. Donc comme d'habitude, on va en voir à 8h30 au lieu de 9h30. Voilà. Tu m'as cogné qui m'ont dit « qu'est-ce que vous foutez ?» C'est pas grave, le principal c'est qu'il soit là. Nous, voilà. On sera là de toute façon. Ah bah oui, c'est clair. Un petit peu du truc bien lourd, ça vous va ? Oui, allons-y. Avec le nouvel album de Red Morning, le groupe de la région parisienne Flower and Feather, qui nous a fait un mélange de rock pour certains morceaux et de choses plus lourdes, un peu sabbatiennes, un peu stoner par morceau. Enfin, tant mieux. Des choses très intéressantes. On est beaucoup dans le mélange ce soir, je trouve. Mais c'est toujours ça. C'est le cocktail, là. C'est du cocktail, cocktail de rock. Cocktail un peu strong, mais bon, tiens. Mais c'est toujours ça, Electric Shock, hein, un mélange. Un peu du Coq à l'âne, c'est tout les dérivés. Donc, extrait donc de Flowers and Feathers, The Coming Wind. Et l'âne a des grandes oreilles. petit bond dans le temps, 2007, où Down, le super groupe de Stoner, nous sortait son troisième album Over the Ender, c'était The Path. Down, c'était, pour, je vous rappelle, composé de Phil Anselmo, l'ancien chanteur de Pantera, des guitaristes de Corrosion of Conformity et de Crowbar, donc il y avait du très lourd. Tiens, d'ailleurs, Pantera va se reformer avec Phil Anselmo et Rex Brown, les deux survivants, et il y aura le batteur d'Anthrax, Charlie Benante, qui va jouer à la place du frangin Abbott, et à la place du regretté Dean Bagdarel, ce sera Zakk Wylde. Ça, c'est un truc qui est de... Ah, lui, il envoie. Zakk Wylde, sympa. Ça, j'aime bien son album, ça va. Juste avant Down, c'était donc les Parisiens de Red Morning et leur nouvel album Flowers and Feathers, c'était de Coming Wind. Alors la suite, ah là vous allez vraiment être surpris hein, les gars. Bon, tu me fais peur. Ah, dans le très bon sens du terme, parce que là ce que je vais vous passer normalement, c'est un extrait du nouveau album de Slipknot, The End So Far, là, qui est sorti en septembre. Et c'est ce que je disais Bruno quand tu es arrivé tout à l'heure, c'est un album très surprenant. Ah. Expérimental par moment, vraiment, oh. Il y a des choses. Si vous avez l'album, vous voyez de quoi je veux parler, parce que c'est vrai que depuis 2-3 albums, il y a quand même des choses assez différentes par rapport aux deux premiers. Mais sur celui-là, ils ont vraiment été beaucoup plus loin. Quand on entend par exemple le premier morceau, au départ, on croit que c'est une intro qui va mettre dans l'ambiance, et après, on va s'attendre à une grosse baston. Et très surprenant. Ah bon? Ah ouais. Donc, si vous avez l'album, vous voyez de quoi je veux parler. Sinon, bah, écoutez bien le morceau. À des rôles qu'on va s'envoyer maintenant. toujours de l'inattendu dans Electric Shock. Electric Shock, qui je vous rappelle, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis entre 19h et 21h. Et c'est la première fois que dans Electric Shock, nous passons du Radiohead. Ah oui, on est ah bah je suis là, ouais. Je suis là, le bonjour. Tout à fait. Un extrait de leur album, pour moi le meilleur, OK Computer, sorti en 1997. Et si on m'a dit qu'un jour je passerais du Radiohead couplé avec du Slipknot, je pense que j'aurais vraiment beaucoup rigolé. Et ben pourtant, je l'ai fait. Et donc, on rigole. Voilà. Et oui, parce qu'avant Radiohead, c'était Slipknot avec Head and Roll, le morceau qui ouvre l'album The End So Far, que je trouve vraiment fabuleux pour ma part, que j'écoute régulièrement et dont je me lasse pas. Donc, c'est très bon signe. Là, il y en a qui sont en train de s'agacer sur leur tuner parce qu'ils se sont dit on s'est trompé d'émission, là. Ça se trouve, oui. C'est pour ça que j'ai précisé que vous étiez. C'était bien sûr Electric Shock. Et d'ailleurs, Slipknot, depuis quelques albums, ils font la polémique parce que y a beaucoup de fans qui sont restés aux deux premiers albums, qui veulent pas entendre parler des expérimentations, entre guillemets. Oui, bon. Ça c'est. On parlait d'ACDC tout à l'heure, c'est un peu pareil, quoi. S'ils changent d'optique, ils vont en perdre. Hein. Ça, si, c'est sûr. Ça, eux, ça fait plus longtemps quand même. Oui. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Et ça, j'ai pensé à toi, Roger, quand j'ai programmé ça. J'avais gardé sous le coude, justement, pour ta venue. C'est le coffret de Slade, All the World is a Stage. Ah oui, on en a parlé à la boutique, déjà. Ah oui, oui, oui. Qui est sorti au mois de septembre. Alors, j'ai vu ça vraiment par hasard. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça, il me le faut. C'est un coffret qui regroupe donc deux lives qui existent déjà séparément, et on y retrouve donc le fameux live Alive, avec la pochette rouge, bien connu, sorti en 72. Mon premier disque. Ah ouais. Donc voilà, oui, je comprends que Roger, ça y fait quelque chose. Et le live Slade on Stage, qui était sorti 10 ans plus tard. Moi, ce que j'étais surpris, c'est de ne pas retrouver, par exemple, le Alive Volume 2, par exemple. Oui, c'est vrai, oui, oui. Plutôt que le On Stage, mais enfin bon, hasard. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est les trois autres lives qui sont inédits, puisqu'on y retrouve un concert enregistré au Festival de Reading en 80. Un autre enregistré la même année dans un petit club avec un son assez roots quand même, mais qui arrache. Et un autre aussi enregistré en 75 au moment de leur pleine gloire. Grande époque, voilà. Oui. Enfin, tous ces trois concerts sont différents de par la setlist, de par l'interprétation et valent leur pesant de cacahuètes. Là, je nous ai choisi d'aller faire un tour au festival mythique, au Mythic Festival de Reading en 80, où Slade, en fait, ils ont joué sans être à l'affiche, puisqu'en fait, ils ont remplacé au pied levé Ozzy Osbourne qui devait jouer à ce moment-là. Je crois qu'ils ont été appelés le jour même, ils ont eu juste eu le temps de préparer le matos et de jouer. Donc, les gens sur place ont dû être sacrément surpris. Et pourtant, quand on entend la prestation qu'ils ont donnée, waouh! Ah, bah, sur l'énergie, hein. Ah, bah oui. Si t'attends Ozzy Osbourne et que tu vois arriver Slade, c'est vrai que bon. Malgré tout, oui. Même les gens qui disaient, ouais, le groupe de glam, etc. Quand ils ont dû entendre la première chanson, ils se disaient, ah oui, quand même. Ça envoie, hein. Ah oui, oui. Bah, là, pour ce soir, je vous ai choisi deux petites choses. Plutôt cool, comme enfin très rock'n'roll, un de leurs plus grands morceaux. D'ailleurs, Slade, je crois qu'ils avaient mis 17 morceaux dans le top 20 britannique consécutif entre 72 et 75. Ah oui, c'est ça, énorme. Un truc monstrueux. Ouais, ouais. Et après les années 80, ça a été quasiment plus rien. Ils ont continué un petit peu les années 80, mais ils se sont fait déborder un peu avec tout le punk, l'after punk et tout ça, quoi. Ouais. Bah, moi, quand le morceau qu'on va se passer, c'est le morceau avec lequel j'ai découvert via un autre groupe, puisque les années 80, il y avait Quiet Riot, qui était un peu le réveil du rock américain, qui avait repris ce morceau. Moi, je connaissais même pas Slade, etc. J'ai dit, ah, j'aime bien ce morceau. Il me dit, en fait, c'est un vieux groupe britannique. Ah, ouais, d'accord. Bon, ok. Donc là, c'est vraiment l'original enregistré au festival de Reading 80. Excellent. Ah, ça arrache, hein. Ah, et la voix en plus, elle est super. Elle est mieux que sur le je discutais avec Roger là, elle est mieux que sur le live rouge là. Oh, j'aime bien mon loup rouge là. Quand même, j'ai écouté ça il y a 50 ans, hein. Attention, hein. Non, non, putain, faut pas le dire ça. On va dire que Roger est un vieux combattant. Un mot ou en deux mots au choix. Les deux, je prends tout. Combattant et combattant. Oh, il faut mieux être battant par les temps qui courent. Donc le célèbre Born to be Wild, repris à la sauce Slade, voilà ce que ça donne en History Reading. Et le Common Feel the Noise, lui aussi, voilà. Éternel. Éternel, ça, on réécoutera ça dans 50 ans, ça c'est clair. Peut-être plus. Oui, peut-être plus, on sera plus là. Bon, on aura passé le relais. Oui, j'aurais pas mal disséminé à la boutique. Oui. Avec le salon, on va passer le relais. Il y a du passage de relais, là. C'est un truc que tu vas chercher, ça, Bruno, ça. Ah, c'est pas... Bah, ton petit coffret, là, il me plaît bien. Te connaissant... Je dis pas que si je tombe dessus, je prendrai pas pour moi. Consommation personnelle. Hein. Donc, chers auditeurs, si vous avez envie de trouver un coffret de Slade, dépêchez-vous parce que Bruno sera au premier. Bon, j'en prends qu'un, voilà. D'un autre côté. Tombe bien, puisqu'on parlait un peu de Born to be Wild, de Motard, etc. Puisque le groupe qui suit, c'est les Parisiens, s'appelle Octane. Je sais qu'un nom pareil en ce moment, c'est... Oui, bon, voilà. C'est pas très politiquement correct, on va dire. Enfin, ils nous font du bon rock'n'roll, extrait donc de l'album Back in the Game. On va se faire un petit morceau. My Last Goodbye. Ben, j'espère que non, c'est pas le dernier quand même. Hein. Ah non, pas tout de suite quand même. Non, un petit peu de temps encore. Eh oh. Ah. My last goodbye. I've been here before. This is my last goodbye. Same Way, ça c'était le groupe Double Negative et son album Shattered the Wanderers. Ah, on était dans le lourd léger. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait. C'était la catégorie lourd léger. On aurait pu rue un petit Green Day presque. Ouais. Oui, ça ressemble beaucoup effectivement. Ah oui, hein. Ouais. Je disais President of USA, mais c'est pas ça. On l'a encore perdu. Et juste avant, bien gras aussi, Octane. avec leur album Back in the Game, et c'était My Last Goodbye. On va faire un petit tour en Italie. Eh ouais, je vous ai dit, c'est l'avantage de la radio. On peut voyager sans décuter de son fauteuil. Et on va retrouver donc les Italiens de Evenflo, groupe de métal progressif qui a sorti un nouveau EP. Ils ont déjà 4 EP, mais aucun album pour l'instant. Il s'appelle Mediterraneo. Et le morceau de ce soir, c'est Revelation Day. 6 extraits de Distance Over Time, l'avant-dernier album de Dream Theater, sorti en 2019. Ouais. Et juste avant, plus récent, puisque sorti là, début octobre, le nouveau EP des Italiens de Evenflow Mediterraneo, et c'était Revelation Day. Sympa quand même, hein. Bien, bien les deux. Vous L'Italie, êtes prêt ? L'Italie ont toujours eu des bons moteurs. Facile. Oh, allez, c'est cadeau. Bah tiens, on va continuer avec le groupe ultime, celui qui a mis tout le monde d'accord, amateur de rock, de punk, de métal, de tout ce qu'on veut, Motorhead. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Dans les rééditions, comme je dis souvent, dans Faisons du neuf avec du vieux, là je voudrais l'album Iron Fist, qui est sorti il y a exactement 40 ans, qui vient de nous sortir d'une version remasterisée, avec plein de bonus, avec des mots. On a tout l'album en démo, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des arrangements différents, des tas de choses aussi. Et un petit live de Derrière les Fagots, enregistré à Glasgow en mars 82. Un live Roots de chez Roots. D'accord. Et un live bien connu des fans de Motorhead, puisque celui-ci est existé en bootleg d'ailleurs, avec un meilleur son que la version officielle, je dois dire. C'est un peu dommage. Enfin, toujours est-il que ce live vaut son pesant de cacahuètes. Et on va se faire les deux petits brûlots. Tout d'abord, America, qui est extrait donc de l'album Iron Fist. Yes! That was especially for Jeff Barton. I hope you're going to sing along with this one. Oh, there it is. Brûlot enregistré live à Glasgow le 18 mars 82 et ça c'est sur le CD bonus de la réédition de Iron Fist de Motorhead. Ah, j'ai pas la voix mais j'ai la moustache qui a poussé comme c'est la limite. Oui, déjà elle est pas très, c'est pas très éloigné déjà. Ah ouais je suis bien là. Que tu laisses pousser les pattes, ce serait parfait. Un peu de feutre noir dessus. Aussi oui parce que bon là, c'est un peu blanc par contre tout ça. Oh toi, s'il te plaît. Nous on n'a plus rien mais on peut rien nous dire. Voilà. Absolument. Ouais, excellent. Ah bah toujours Motorhead. À la rose tatou. Voilà. Et ben voilà, White Line Fever. Donc c'était donc le dernier morceau pour ce soir. Oh super. Bon, merci les gars d'être venus. Ah bah, alors tous dimanche au salon. Voilà. Rendez-vous dimanche au salon impérativement à partir de 9h30. 9h30 et ceux qui auront deux pièces de 2 euros et rentreront encore plus vite. Ouais. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste. Voilà. Bon ben c'est super. Ben, merci à vous d'être venus. Merci à toi. Eh bien, chers auditeurs, merci encore d'avoir été à l'écoute de ce numéro d'Electric Shock. Bon, on se rencontrera certainement dimanche au salon. Donc c'est pour ça, écoutez plein de métal, Radio Arc-en-Ciel, et puis dimanche, tous au salon. Faites vos listes. Voilà. Merci encore les gars, salut à vous. Salut. Ah ben, la semaine prochaine. Mais consistência e também maior dimensão física no momento, principalmente de fechar. Por outro lado, é um jogador que sabe o que fazer com a bola. Já arrancou no Estádio da Luz, quinta jornada. Grupo H da Liga dos Campeões 22-23, transmite Antena 1 para todo mundo. Sai a equipa dos Juventus com bola, com Locatelli colocar já no corredor esquerdo. A bola na direção de Danilo. Ele no trio de centrais é o que joga sobre o corredor esquerdo. A variar o flanco para a direita. A bola já para quadrado. Recebe bem perante a pressão de Grimaldo. A ser obrigado a trazer a bola para o seu setor mais recuado. Recolhe agora Gatti. Combinando com o capitão Léo Bonucci. Aí vem Bonucci. Aí efetua o atraso para Chesney, o polaco que na primeira volta estava lesionado. E em Turim não esteve na baliza nessa vitória do Benfica por duas bolas a uma. Esteve Perin, que hoje está no banco de suplentes. A bola esticada na frente e ataque da equipa dos Juventus para a esquerda para Gossic. Desarmado por Florentino. Aí na assistência de Danilo. Coloca a bola na frente para Vlahovic. Apertado por António Silva. Ganha o jovem central.